Les masses médias de divers pays et régions ont présenté les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un avec ses photos. Les agences de presse TASS et Lianovosti, le journal Izvestia, les agences de presse d'Internet Pravda.ru et Legnum, la revue d'Internet Lemchichi de Russie, le réseau chinois Planet, l'agence de presse américaine UPI, l'agence de presse japonaise Gyodon, les hommages d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections, du Comité national d'études du kimilsonisme kimjongulisme du Nigérien, du Comité national d'études des Zedutse du Congo démocratique et du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien ont fait part de l'inspection d'une sous-unité relevant de l'unité 233 de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse Lianovosti, le journal Izvestia, les agences de presse d'Internet Pravda.ru et Legnum, les réseaux chinois Information et Planète, l'agence de presse Gyodo et la NHK du Japon, les hommages d'Internet du Comité national d'études du kimilsonisme kimjongulisme du Nigérien, du Comité national d'études des Zedutse du Congo démocratique et du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien ont informé de l'inspection de l'unité 1314 de l'armée populaire de Corée, lauréate du titre de 7e régiment au Jung-ho. Le journal de Hong Kong de Chine, South China Morning Post, l'agence de presse américaine UPI et le homepage d'Internet nigérien ont rapporté que le dirigeant suprême coréen s'est rendu auprès de la dépouille de Kang Il-so en signe de profonde condoléance à son décès.